Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous commençons notre semaine consacrée à la démocratie et ses critiques, que nous avons intitulée « La démocratie en question ». Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie ? Et pourtant, moi-même, quand on me demande « êtes-vous démocrate ?», je me tâte. Attitude révélatrice dans la mesure où, face à la gravité de ce genre de questions, la décence voudrait plutôt que l'on cessât de se tâter. Un ami royaliste me faisait récemment remarquer que la démocratie était la pire des dictatures parce qu'elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Mais oui, réfléchissez-y une seconde, c'est pas idiot. Pensez-y avant de reprendre inconsidérément la Bastille. Alors voilà, nous venons d'écouter Pierre Desproges. Est-ce que la démocratie est la pire des dictatures ? Le libéralisme serait-il, lui, un antidote aux tendances dictatoriales de la démocratie ? Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui Lucien Jaume, directeur de recherche émérite au CNRS et au CEVIPOF, Centre de recherche politique de Sciences Po, ainsi qu'auteur de nombreux livres, dont les plus récents sont « L'État administratif et le libéralisme, une histoire française », publié par la Fondation pour l'innovation politique en 2009, « Qu'est-ce que l'esprit européen ?», paru chez Flammarion en 2010, et enfin « Le religieux et le politique dans la Révolution française, l'idée de régénération », paru au PUF en 2015. Bonjour Lucien Jaume. Bonjour. Alors peut-être que lorsque nous décidons de parler de démocratie, il faut toujours commencer par le commencement et repartir d'Athènes et d'Aristote. Oui, je crois que c'est indispensable pour préciser le concept, puisque ce concept de démocratie a des sens vraiment multiples. Et Athènes, parmi des milliers de cités grecques, il y a des milliers de cités grecques, Athènes invente vraiment la démocratie, la constitution démocratique, les règles de la délibération, les règles de la décision, nous présente la première image de l'égalité, la première image de la liberté, l'image de citoyens tirés au sort pour exercer les magistratures, l'image de l'assemblée du peuple où tout citoyen, pas les femmes, pas les métèques, pas les esclaves, siège. Mais je devrais ajouter aussitôt des contreparties. Tirage au sort, mais une commission aussitôt examine les mœurs, la moralité et la compétence aussi de ceux qui ont été tirés au sort. Tirés au sort, mais il y a quatre classes censitaires à Athènes, ce dont on ne parle jamais, et seules les deux premières classes les plus riches peuvent siéger dans l'assemblée qui s'appelle la boulée, c'est l'assemblée qui prépare les lois. Donc il y a deux assemblées, une assemblée qui prépare les lois, la boulée, et une assemblée où le peuple tout entier de citoyens siège, l'ecclésia. Voilà. De même, j'ai dit l'égalité, la liberté. Il faut rajouter tout de suite pour Athènes un certain nombre de précautions. Par exemple, dans l'assemblée du peuple, seuls les pauvres en général viennent. Les riches ont très peur, ils ne viennent pas, parce que les riches ont peur d'être dénoncés. D'ailleurs, si vous déclarez mal vos revenus, vos voisins s'en occupent. À Athènes, quand un riche ne donne pas assez d'argent, par exemple pour les trières, pour les bateaux, pour la flotte, quand ce riche ne donne pas assez d'argent pour les cérémonies religieuses, ses voisins le dénoncent. Et il passe en justice, c'est-à-dire devant des tribunaux populaires. Des citoyens tirés au sort et contrôlés une fois de plus, examineront ce cas. De même, la parole en principe est libre et égale, iségoria, entre les citoyens dans l'assemblée du peuple, mais si vous proposez une loi qui est contraire aux lois antérieures, vous risquez aussitôt la dénonciation agrafée par anomone, c'est-à-dire vous avez contrevenu aux lois établies d'Athènes, et alors vous êtes amené devant un tribunal, et là, l'échelle des peines est extrêmement vaste, depuis une sanction financière jusqu'à la peine de mort. Mais qui peut proposer des lois à Athènes ? N'importe qui ? Proposer des lois, non, absolument pas n'importe qui. Proposer des lois, c'est le rôle de la deuxième assemblée, la boulée, qui est vraiment le cerveau de préparation des lois. Et on entre à la boulée par tirage au sort, après contrôle. Et est-ce qu'on peut considérer, même si évidemment aujourd'hui on émet énormément de critiques assez anachroniques quand même, en disant voilà, les femmes et les métèques sont exclues, est-ce qu'on peut considérer néanmoins que c'est un système démocratique comme on en a, à ce moment-là de l'histoire, jamais vu, et surtout qui est plutôt, en réalité, égalitaire ? Oui, On peut considérer que c'est un système démocratique. Alors, j'ai un collègue, Yves Chemel, en sciences politiques, qui a écrit, je n'ai pas encore lu son texte, qui a montré que la démocratie avait des antécédents bien antérieurs d'un millier de siècles auparavant du côté des Assyriens. Mais bon, je ne sais pas. En tout cas, incontestablement, on est tous d'accord là-dessus. Athènes, c'est une invention merveilleuse, extraordinaire de la démocratie, c'est-à-dire de l'égalité entre les citoyens et en principe la liberté. Et en principe, la liberté. Il y a le célèbre discours de Périclès pour les soldats tombés dans la bataille, à la guerre, où Périclès fait l'éloge de la démocratie athénienne et où il dit avec fierté « Nous sommes une école pour toute la Grèce ». Nous sommes une école, à savoir que chez nous, chacun peut vivre comme il veut. C'est faux. Il y a un contrôle permanent du voisinage et de la collectivité sur l'individu. Enfin, il dit ça. Chacun peut vivre comme il veut. Nous aimons la politique. Nous considérons qu'un homme qui ne fait pas de politique, je dis bien un homme, hein, au sens strict, bon, nous considérons qu'un homme qui ne fait pas de politique n'est pas digne d'être un citoyen. Nous aimons la discussion, nous considérons que toutes les questions doivent être débattues. Nous aimons la beauté dans tous les domaines, et y compris dans l'acte politique, dans la vie politique. Le discours de Périclès chez Thucydide est merveilleux. Il embellit beaucoup la démocratie, mais il a conscience d'être dans une société exceptionnelle, d'être à un moment historique exceptionnel. Et il y a quand même, vous le dites, une sorte d'injonction à être citoyen, c'est-à-dire à participer à la vie politique. Et l'idée même du tirage au sort, c'est ça, c'est-à-dire que tout le monde est quand même obligé de participer. Voilà. Au 5e siècle, il y a encore quatre classes censitaires, et seules les deux classes les plus riches peuvent, une fois tirées au sort, participer à la vie politique. Au 4e siècle, il semble que ces critères censitaires se sont effacés. 4e siècle, c'est-à-dire celui de Platon, celui de Socrate, n'est-ce pas ? Il semble que là, il n'y a plus de critères censitaires. Et à partir du moment où vous êtes tiré au sort, vous ne pouvez pas vous dérober. Mais vous passez devant une commission de contrôle qui étudie votre vie. Alors on se renseigne sur vous. Qu'avez-vous fait ? Comment vivez-vous ? Vous conduisez-vous de façon morale ? Et votre compétence, c'est-à-dire que si on vous désigne pour une magistrature sur la flotte, une magistrature sur construire les remparts d'Athènes, ou une autre magistrature, il faut quand même que vous ayez un minimum de savoir-faire. Contrairement à cette idée qu'on répand parfois que tout le monde était tiré au sort, que tout le monde était admis et que tout le monde était compétent. Pas du tout. La démocratie athénienne reconnaissait la compétence. Reconnaissez la compétence, ce qui est un vrai sujet pour Platon, par exemple, qui lui considère que la politique n'est qu'une affaire de compétence et que justement elle ne peut pas être laissée entre les mains de n'importe qui. Platon et Aristote, qui sont quand même les deux grandes, évidemment, figures philosophiques qui vont s'interroger énormément sur la question de savoir si la démocratie est le meilleur des régimes ou non. Oui, Platon est un adversaire de la démocratie. Il en plaisante même, il dit que dans le régime démocratique, même les ânes ne veulent pas céder le passage sur le chemin, ce qui montre comment les individus démocratiques croient vraiment qu'ils ont tous les droits, n'est-ce pas ? C'est une plaisanterie, mais Platon est adversaire à la démocratie parce que pour lui, et Socrate à sa façon quand même le rejoint, pour lui c'est le règne de la démagogie, c'est surtout le règne de l'illimité. C'est-à-dire que la démocratie crée des appétits sans limite. Appétit de parole, appétit de violence, appétit d'impérialisme, appétit d'enrichissement de la société, beaux monuments, belles choses, etc., luxe, et appétit également dans toutes les passions humaines. Voilà. Donc, lui, évidemment, est pour un système où l'idée du bien dominerait, où l'on formerait des philosophes, où l'on formerait des gardiens de la cité, où les artisans travailleraient pour le service de ces gardiens et de ces philosophes. Il est un adversaire de la démocratie. Aristote n'est pas d'accord. Aristote considère que la multitude peut arriver à un jugement relativement sage, parce que les avis s'équilibrent. Aristote réhabilite l'opinion, ça c'est très important. Aristote n'aime pas la démocratie, il est pour un régime mixte, combinant des principes démocratiques, des principes aristocratiques et le principe monarchique. Néanmoins, Aristote montre que la démocratie existe dans plusieurs cités grecques et que il y en a plusieurs formes. Ça va de la démocratie modérée à la démocratie extrême. La démocratie extrême, dit-il, c'est quand le peuple délibère sans arrêt et refait la loi sans arrêt. Et alors, ce ne sont plus des lois, dit-il, ce sont des décrets. Il emploie un mot grec qui veut dire décret. C'est-à-dire, c'est le règne de l'instantanéisme. On ne vit plus qu'au présent. Tiens, ça nous rappelle des choses. Ça nous fait plus que rappeler des choses. Alors, à quoi ressemble ce régime mixte idéal chez Aristote? Alors, ce régime ressemble au fait qu'il préfère un monarque sage, tempéré, qui finalement est au sommet et prend les décisions. Il est pour le principe aristocratique, alors là, nous allons être très surpris, le principe aristocratique, c'est élire, c'est le vote. Périclès est réélu 15 fois de suite, ce qui est absolument extraordinaire. Alors que souvent, Athènes s'est beaucoup méfié des grands hommes. Athènes a pratiqué l'ostracisme. Dès que quelqu'un était trop populaire, on l'exilait. Parce que c'était dangereux pour la démocratie d'avoir quelqu'un de très populaire. Il fallait ne pas être longtemps populaire. Bon, Périclès est une exception. Donc, le principe aristocratique, l'élection, et le principe démocratique, c'est-à-dire le tirage au sort. Alors, ça fait partie des critères, mais néanmoins, Aristote explique que la démocratie est le régime préféré de la classe moyenne, tiens, qui est une petite classe moyenne, tiens, pas une classe moyenne riche, et que la démocratie est le régime préféré des pauvres, parce que les pauvres espèrent que dans l'Assemblée, ils vont obtenir des avantages. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme de mystère, quelque part, puisqu'il y a ce moment de démocratie athénienne, ce miracle de la démocratie athénienne, et l'impression qu'ensuite, la démocratie comme idéal politique s'éteint complètement, pendant de longs siècles. Alors, est-ce qu'elle s'éteint complètement? Est-ce qu'elle apparaît sous d'autres formes, dans des logiques impériales? Et surtout, à quel moment réapparaît-elle comme, à nouveau, un régime enviable? Alors, la question est complexe, c'est un très long parcours historique. D'abord, rappelons-nous que la démocratie athénienne succombe sous les coups des impérialismes. Alors c'est Philippe de Macédoine qui va dominer Athènes et à partir de là, la vie démocratique s'étiole. Ensuite, il faudrait parler de Rome. Rome, évidemment, est gouvernée par une oligarchie, c'est sûr. Mais les poussées démocratiques à Rome existent et elles vont jusqu'à la Révolution, elles vont jusqu'aux heurts sanglants. Le tribun de la plèbe à Rome est quelqu'un qui, justement, représente cette aspiration populaire à plus d'aisance et à plus de parole. Ensuite, il faudrait évoquer le Moyen-Âge. La démocratie au Moyen-Âge, c'est la démocratie communale. Elle est assez forte. Même dans l'Église catholique, n'est-ce pas, dans les premiers temps, on élit. Oui, dans les monastères, il y a un vrai système, ce qui pourrait s'apparenter à un vrai système démocratique. Ah, il y a un système électoral. C'est d'ailleurs l'Église, et notamment dans les monastères, qui invente les premières règles électorales, comme le scrutin secret, comme la pondération des voix, comme, etc. Bon. Ensuite, si vous voulez, je vais arriver à cette idée que nous passons par les philosophes du contrat, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, donc 17e siècle, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément favorables à la démocratie, qui sont plutôt favorables à des systèmes élitistes, mais néanmoins pour lesquels l'égalité entre les individus compte. Chez Hobbes, qui est un système d'autorité, néanmoins l'égalité entre les individus est fondatrice. Elle est même criminogène, puisque c'est l'état de nature. Si nous sommes égaux, ça veut dire que je vais quand même essayer de vous tuer, au maximum de vous tuer, en tout cas de vous dépouiller, en m'associant avec mes égaux contre vous. Bon, voilà. Mais enfin, l'idée d'égalité est bien présente chez Hobbes. Elle est très présente chez Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Elle est très présente chez John Locke. Chez John Locke, qui est le fondateur du libéralisme, les individus naissent libres et égaux et responsables. Quelle différence feriez-vous ? Après arrive la Révolution française. Voilà, on débouche à la Révolution française et la Révolution américaine. Bien sûr, vraiment, l'idée démocratique prend son essor. Mais quelle différence faites-vous quand même entre l'idée d'égalité qu'il y a à Athènes, ou même les poussées de volonté d'égalité qu'il y a à Rome, et l'égalité, l'idéal d'égalité qui s'impose au moment de ce tournant de la modernité ? Alors, l'idée d'égalité qui s'impose dans ce tournant de la modernité, elle prend deux visages. Elle prend d'abord le visage du droit naturel. Et même notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous voyez, consacre des droits naturels. Les droits naturels de l'homme, puis arrivent les droits sociaux, les droits civiques. Donc, d'une part, l'appui sur le droit naturel que vous trouvez chez Hobbes, que vous trouvez chez Locke, que vous trouvez chez Rousseau, que vous trouvez chez Kant, bon. D'une part, le droit naturel, et d'autre part, la Constitution. L'idée de Constitution commence à arriver, c'est-à-dire l'idée que la Constitution doit protéger les droits de l'individu et les droits du peuple vis-à-vis de l'État. Voilà. Voilà comment l'égalité commence à être protégée juridiquement. Dans la philosophie du droit naturel d'une part, et d'autre part juridiquement dans la construction constitutionnelle. Alors plus tard, et notamment avec les Américains, au début du 19e siècle, Marbury versus Madison, contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire que les Américains vont introduire un juge constitutionnel qui protège les droits et les libertés contre les empiètements du gouvernement, du Congrès des États-Unis et du président. Voilà. Et la France n'en voudra pas. La France ne voudra pas du juge constitutionnel jusqu'en 1971. C'est la révolution de 1971 où le Conseil constitutionnel intègre la Déclaration des droits de l'homme et commence à juger de la constitutionnalité des lois. Et on a l'impression en même temps que ce grand tournant de la modernité dont nous venons de parler, il y a la question de l'égalité qui est évidemment fondamentale et il y a la question aussi du consentement, c'est-à-dire qu'il y a un jeu en fait quand même entre cette majorité et cette minorité et la minorité consent au fait que la majorité gouverne. Je vous propose d'écouter ce texte de John Locke du second traité du gouvernement civil. Lorsqu'un certain nombre d'hommes ont, grâce au consentement de chaque individu, formé une communauté, ils ont par là même fait de cette communauté un corps, doté d'un pouvoir d'agir en tant que corps, ce qui n'est possible que par la volonté et la décision de la majorité. Car ce qui fait agir une communauté quelconque, ce ne peut être que le consentement des individus qui la composent. Et puisqu'il est nécessaire à ce qui constitue un corps de se mouvoir dans une seule direction à la fois, il est nécessaire que ce corps se meuve dans la direction où l'emporte la force la plus grande, c'est-à-dire le consentement de la majorité. Dans le cas contraire, il est impossible qu'il agisse ou qu'il continue de former un corps ou une communauté, ce que la volonté de chaque individu qui s'y était joint avait pourtant voulu qu'il soit. Ainsi, chacun est obligé, par ce consentement, de se soumettre à la majorité. C'est pourquoi nous voyons que, dans les assemblées auxquelles des lois positives donnent le pouvoir d'agir, lorsque la loi qui leur confère le pouvoir ne fixe aucun quantum, la décision de la majorité passe pour la décision de l'ensemble. Car si le consentement de la majorité n'est pas reçu en raison comme l'acte de l'ensemble, et s'il n'oblige pas chaque individu, seul le consentement de chaque individu pourra faire qu'un acte passe pour l'acte de l'ensemble. Mais un tel consentement est presque impossible à obtenir jamais. Alors, quelle est cette invention un peu folle de démocratie où la majorité pourrait ou prend des décisions pour tout le monde ? Vous avez avec John Locke une philosophie libérale où tout part de l'individu et tout revient à l'individu. À l'état de nature, les individus ne peuvent pas subsister. Il faut qu'ils passent un compact, un contrat. Et par ce contrat, il décide de se donner une règle. Cette règle, c'est la règle de majorité. Il se la donne par libre décision. Et ils ont donc formé un corps. À partir de là, cette règle de majorité permet d'instituer par confiance, trust, un corps législatif de représentants. Le trust veut dire trois choses chez Locke. Ça veut dire la confiance, mais ça veut dire aussi une mission à remplir. Et cela veut dire une délégation. C'est le principe démocratique qui est là en œuvre, mais le point important chez Locke, c'est que le principe démocratique où la majorité commande à la minorité ne supprime jamais le principe individuel. C'est-à-dire que non seulement il faut le consentement de chacun pour faire la majorité, non seulement il faut la confiance ainsi transmise aux représentants, mais par voie de retour, lorsque ces représentants font des lois qui vont s'appliquer aux citoyens, il faut que l'individu donne son consent à la loi. Aucune loi faite par la majorité n'est valide sans le consentement de chaque individu en tant qu'homme et en tant que citoyen. Qui n'est pas, du coup, un consentement a priori, qui est un consentement a posteriori. Absolument. Il peut être tacite, mais c'est votre responsabilité, tant pis pour vous. Si vous ne l'avez pas explicité en vous, ce consentement, si vous vous taisez, bah, tant pis, vous avez consenti néanmoins. Mais vous devriez plutôt vous examiner devant la loi votée en tant qu'homme, quels sont vos intérêts particuliers? Comment concevez-vous la vie familiale? Comment concevez-vous votre religion? Comment concevez-vous vos intérêts économiques? Et en tant que citoyen, comment considérez-vous l'intérêt général? Et c'est à vous de juger si la loi associe bien l'intérêt général et votre intérêt particulier. Si vous refusez votre consentement, soit en tant qu'individu, alors vous vous mettez en conflit désobéissance civile avec le pouvoir, soit en tant que peuple, c'est une révolution. Et on sort, le traité de Locke sort de la Glorious Revolution, la deuxième révolution anglaise de 1668. Est-ce que vous diriez que c'est là l'invention de la démocratie libérale ? Oui, parce que d'abord, nous avons l'idée que nul ne peut exercer un pouvoir politique s'il n'est pas majoritaire. Deuxièmement, nul ne peut obliger à... obliger à deux sens, mais enfin bon, ne peut obliger le peuple si ce n'est à travers la loi. La loi votée par un corps de représentants élus. Troisièmement, nulle loi ne peut être valide si la majorité des individus n'y a pas consenti. On parle aujourd'hui beaucoup de démocratie libérale, alors peut-être qu'on pourrait revenir, on va en reparler ensuite, mais peut-être qu'on peut revenir à un travail de définition. Oui, je crois. Par exemple, comment est-ce qu'on définit simplement démocratie? Est-ce que toute démocratie est libérale? Est-ce que tout régime libéral est une démocratie? C'est-à-dire comment s'articulent en fait ces deux termes? Oui, alors question évidemment très importante, puisque vous le savez, aujourd'hui, dans un certain nombre de pays comme la Hongrie de Viktor Orban, Viktor Orban fait l'éloge de ce qu'il appelle la démocratie illibérale. Illibérale. Hein, il y tient beaucoup à cette notion. Nous sommes une démocratie illibérale, dit-il. Alors, donc, peut-être une définition à minima de démocratie. Alors, la définition à minima, comme je vais quand même la comparer au libéralisme, je vais dire simplement, c'est la puissance exercée réellement par le peuple. D'accord. Donc, c'est-à-dire quand même qu'on... Souveraineté du peuple. Voilà. Dans sa majorité. Ah oui, dans sa majorité, bien entendu. Il faut constater la majorité. Voilà. Je dirais simplement ça. Alors, j'ai des collègues juristes qui disent il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de libéralisme. Non, je ne suis pas d'accord. La démocratie est une idée ancienne puisqu'elle commence au moins à Athènes et peut-être chez les Assyriens. Ça reste à voir. Bon. Le libéralisme est une idée moderne. Il commence, je dirais, avec le grand moment du scepticisme, Montaigne, 15e, 16e siècle. Bon. Je crois que le libéralisme a consacré trois séparations fondatrices. D'abord, la séparation du citoyen et de l'État. C'est-à-dire que le citoyen n'est pas la chose de l'État, alors que chez Hobbes, il est vraiment la chose de l'État. Le citoyen peut penser indépendamment de l'État, et il peut penser contre l'État. Premier point, donc, la séparation du citoyen de l'État. Deuxième séparation, la séparation de l'homme et du citoyen. En tant qu'homme, j'ai des activités, j'ai des pratiques, j'ai des opinions, j'ai une religion peut-être, j'ai une conception de la vie familiale, etc., etc. Et ceci entre dans mon domaine qui n'est pas celui du citoyen. En tant que citoyen, je suis membre d'un corps envers qui j'ai des responsabilités, le corps civique. Et en tant que citoyen, je dois m'intéresser au débat public que mène ce corps civique. Alors évidemment, là, c'est la grande différence avec les Grecs. Parce que les Grecs avaient tendance à très peu séparer l'homme du citoyen. Ils séparaient néanmoins, mais très peu. On ne va pas entrer dans les détails. Et troisièmement, séparation capitale, la société civile vis-à-vis de l'État. Cela veut dire que la société civile a une vie différente de la vie politique. Cela veut dire que peut-être la société civile a une normativité différente. Elle a des mœurs, comme dit Tocqueville ou comme dit Montesquieu. Elle a des mœurs et des usages. Elle a des croyances. Et si l'on pense à l'économie, on le voit de plus en plus aujourd'hui, éventuellement la société civile a même ses propres règles de fonctionnement. Donc ces trois séparations... La séparation du citoyen de l'État, la séparation de l'homme et du citoyen, la séparation de la société civile de l'État, Si la démocratie les intègre, alors la démocratie devient libérale, justement. Donc vous diriez que quand même, le vrai chambardement, la vraie invention de la démocratie libérale accompagne quand même les droits de l'homme, en réalité. Ah oui, en réalité. Et la protection de ce qu'on appellera plus tard les libertés publiques. Absolument, oui. C'est-à-dire, c'est la Révolution française et la Révolution américaine, essentiellement, qui consacre ce genre de séparation. Séparation ne veut pas dire divorce, hein, j'espère qu'on comprend bien. Séparation, c'est distinction. Voilà. Et sachant qu'à partir de ce moment-là, et c'est vrai, vous dites, Orban lui parle de démocratie libérale, néanmoins, il en parle d'autant plus, plutôt, démocratie et libéralisme semblent, après la Révolution française, intimement liés, oui. Quasiment, pour le coup, insécables. Oui, ils se nourrissent l'un l'autre. Ils se nourrissent l'un l'autre. D'ailleurs, ces caractéristiques, Viktor Orban était allé en Allemagne et il avait expliqué, nous défendons une démocratie libérale, c'est-à-dire une voie hongroise spécifique. Et Madame Merkel lui avait répondu, démocratie libérale, ça ne veut rien dire, la démocratie puise toujours dans le libéralisme. Je crois qu'historiquement c'est faux, c'est inexact, mais c'est très caractéristique. La réaction, et de beaucoup de mes collègues de juristes, je suis à l'association de droit constitutionnel, n'est-ce pas, au bureau, l'association de droit constitutionnel, beaucoup de mes collègues juristes disent, ça n'a aucun sens, la démocratie est libérale ou n'est pas la démocratie. Oui. À mon avis, les choses sont plus compliquées. Oui, avec cette idée aussi qu'il y a des bons et des mauvais usages de la démocratie. Absolument. Tocqueville, justement, alors si nous parlons un peu de Tocqueville, Tocqueville est intéressant en ce sens que, il a voulu montrer que démocratie n'est pas synonyme de liberté. Pas nécessairement. Elle peut. Pour Tocqueville, ce qui caractérise avant tout la démocratie, c'est l'égalité, c'est-à-dire le désir, la passion d'égalité. Peut-être pourrait-on lire un petit texte. Oui, en effet, je vous propose d'écouter un extrait de La démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, lu par Georges Claes. Ils ont détruit les privilèges gênants de quelques-uns de leurs semblables. Il rencontre la concurrence de tous. La borne a changé de forme plutôt que de place. Lorsque les hommes sont à peu près semblables et suivent une même route, il est bien difficile qu'aucun d'entre eux marche vite et perce à travers la foule uniforme qui environne et le presse. Cette opposition constante qui règne entre les instincts que fait naître l'égalité et les moyens qu'elle fournit pour les satisfaire, tourmente et fatigue les âmes. On peut concevoir des hommes arriver à un certain degré de liberté qui les satisfasse entièrement. Ils jouissent alors de leur indépendance sans inquiétude et sans ardeur. Mais les hommes ne fonderont jamais une égalité qui leur suffise. Un peuple a beau faire des efforts, il ne parviendra pas à rendre les conditions parfaitement égales dans son sein. Et s'il avait le malheur d'arriver à ce nivellement absolu et complet, il resterait encore l'inégalité des intelligences, qui, venant directement de Dieu, échappera toujours aux lois. Quelque démocratique que soit l'état social et la constitution politique d'un peuple, on peut donc compter que chacun de ses citoyens apercevra toujours près de soi plusieurs points qui le dominent. Et l'on peut prévoir qu'il tournera obstinément ses regards de ce seul côté. Quand l'inégalité est la loi commune d'une société, les plus fortes inégalités ne frappent point l'œil. Quand tout est à peu près de niveau, les moindres les blessent. C'est pour cela que le désir de l'égalité deviendra toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande. C'est pour cela que le désir de l'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande. Alors comment faire ? C'est-à-dire quelle égalité on peut accorder sans non plus tomber dans cet écueil qui est que plus on instaure d'égalité et plus on a envie d'égalité. Comment sachant qu'on n'arrive jamais, et c'est ce que dit Tocqueville, à l'égalité parfaite. Oui, vous savez, derrière ces réflexions, il y a le jansénisme, il y a les lectures religieuses et morales des moralistes de Tocqueville, à savoir que, et puis il y a Aristote aussi, quand Aristote parlait de la crématistique. La crématistique, c'est-à-dire la soif de l'argent toujours insatiable. Quand les banquiers veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'était pas en 2008, c'était dans Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ. Bon, insatiable, Tocqueville considère que l'égalité est une chose essentielle dans l'histoire. Au début de la démocratie en Amérique, il écrit que c'est la providence divine qui a voulu que les sociétés marchent par le moteur de l'égalité et vers toujours une égalité plus grande. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas Maurras, ce n'est pas d'autres auteurs contre-révolutionnaires. L'aristocrate Tocqueville, fils de famille noble, ne refuse pas l'égalité. Il dit l'égalité est notre destin. Et l'égalité dont il parle est une égalité politique. Alors, c'est une égalité politique, c'est-à-dire donc par exemple le suffrage universel à l'époque où le suffrage était extrêmement restreint sous la monarchie de Juillet en France, mais c'est une égalité aussi sociale et économique. Lui-même était très préoccupé par la pauvreté des paysans. En bon propriétaire foncier, il faisait sa charité chaque année. Nous avons les registres du château de Tocqueville où l'on voit qu'il donne du bois, il donne de la nourriture avec son épouse, il s'occupe des enfants malades, etc. Il leur achète des remèdes. C'est un aristocrate social, comme nous dirions aujourd'hui. Donc c'est une égalité en tout. Et c'est aussi une égalité dans la comparaison entre les esprits. Je pense que nous allons aussitôt après parler de l'opinion publique, selon Tocqueville, je laisse donc de côté. Dieu a voulu que l'humanité avance dans la voie d'une concurrence permanente. Et cette concurrence, une fois institutionnalisée, s'appelle la démocratie. Donc, pour Tocqueville, il y a quasiment des racines théologiques à la démocratie. Je dirais plutôt, pas tout à fait, je dirais, enfin, si, quand même, oui, si, vous avez raison. Il dit que l'Évangile a voulu l'égalité des enfants de Dieu, si c'est, il écrit. Mais je dirais surtout que l'insatisfaction que nous éprouvons devant la concurrence que nous avons avec les autres, concurrence intellectuelle chez les enseignants et les écrivains, concurrence artistique chez les artistes, concurrence économique chez les travailleurs ou chez les patrons, concurrence morale entre religions. Cet exercice de la concurrence nous pousse à essayer de nous améliorer, d'être les meilleurs, d'être les plus forts. Alors, c'est très positif parce que c'est ainsi qu'on fait avancer la société. Et c'est négatif en ce sens que, en réalité, cette égalité imaginaire, cet imaginaire démocratique risque de conduire à des débordements incontrôlés, à des violences, à des révolutions, à des coups d'État, à des dictatures et à l'État despote. La démocratie en Amérique s'achève par le portrait de l'État futur qui serait un État extrêmement bienveillant pour satisfaire toutes les envies des citoyens. Mais alors qu'est-ce qui se passe justement ? Comment est-ce que ce régime politique quasiment voulu par Dieu. Oui, voulu par Dieu. Voulu par Dieu, c'est-à-dire, en fait, ce que fait Tocqueville, c'est qu'il opère une première sécularisation. C'est-à-dire qu'il opère une première sécularisation en disant cette égalité promise devant Dieu, en fait, c'est devant la loi, c'est devant l'État que cette égalité doit se matérialiser. Mais alors, comment est-ce que ce régime voulu par Dieu peut présenter autant de défauts ? Quels sont ces défauts ? Ou plutôt, quels sont les déséquilibres qui mènent au fait que la démocratie peut devenir une dictature ? Alors, elle a des défauts, mais elle a aussi des amortisseurs. Alors, parlons des défauts, et parlons aussi après des amortisseurs. Alors, les défauts, c'est justement cette illimité que nous retrouvons, qui était chez Aristote avec la crématistique, c'est-à-dire lorsque le peuple démocratique ne veut plus accepter la constitution, la loi, les règles, les normes. Et là, nous arrivons à ce qu'Aristote a très bien décrit, c'est-à-dire une démocratie qui n'arrête pas de tuer ses chefs, qui n'arrête pas d'envahir dans l'impérialisme, ça c'était très important à l'époque, qui n'arrête pas supprimer les riches, qui n'arrête pas de jalouser les grandes personnalités. Donc ça, c'est un excès du peuple. Ça, c'est un excès du peuple. Et c'est un excès de jalousie. C'est un excès de jalousie. La démocratie, c'est l'égalité, et l'égalité risque, pas forcément, hein, mais l'égalité risque de susciter la jalousie. Ça, c'est un premier point. Voilà. Voilà donc. Alors, si vraiment cette jalousie est très forte, il peut arriver un homme très intelligent, il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte pour Tocqueville, il deviendra Napoléon III, et ça c'est le drame. Tocqueville fait une véritable dépression, hein, quand le coup d'État a lieu, une véritable dépression, et il se retire de la vie politique. Il peut arriver un homme très intelligent, un leader, qui comprend que pour gouverner, il faut flatter la jalousie. Donc, quelqu'un qui entend bien les passions du peuple peut s'arranger pour que l'égalité soit satisfaite. Et par exemple, Louis-Napoléon Bonaparte dit « La Deuxième République a supprimé le suffrage universel. Elle a restreint en 1850. Par exemple, Adolphe Thiers parlait de la ville multitude. On a supprimé un tiers du corps électoral, ou à peu près un tiers. Eh bien, moi, Louis-Napoléon Bonaparte, qui ai fait mon coup d'État, je rétablis le suffrage universel. Vous êtes tous égaux. Enfin, masculins, hein, les hommes, pas les femmes. Vous êtes tous égaux grâce à moi. Bon. Par exemple, de plus, Louis-Napoléon Bonaparte dit « Si vous acceptez d'élire des députés bonapartistes, je garantis la liberté du commerce, je garantis le développement des campagnes, je garantis la sécurité, la vie paisible, je chasse les socialistes, je les fous dehors, je les envoie dans le bagne, etc. » C'est ce qu'il a fait. Hein. « Je pratique une répression bien calculée et le peuple vit tranquille, heureux, satisfait et profitant des jouissances du développement du Second Empire. C'est QFD. Et Tocqueville a ça sous les yeux. Il est fou de rage. C'est ce qu'il avait annoncé. Car il l'avait annoncé dans le livre qu'il écrit sur l'Ancien Régime et la Révolution, 15 ans après le premier volume de La démocratie en Amérique, il reprend tout un ensemble de pages qu'il avait donné à l'introduction en disant « Hélas, ça s'est produit ». Mais alors, qu'est-ce qui s'est produit exactement? C'est un démagogue qui prend le pouvoir et qui dit agir au nom du peuple, alors qu'en réalité, il agit pour son intérêt propre. Et en même temps... C'est pas si simple. Si, c'est pas si simple, parce que si le peuple consent, il consent. Mais il consent. Et si le peuple est ravi, il est ravi. Mais alors, où est la vérité dans... Voyez les plébiscites du Second Empire. Louis-Napoléon Bonaparte n'arrête pas, sauf à la fin, bien sûr, là c'est la chute, il n'arrête pas d'augmenter le nombre de voix en sa faveur. Et c'est un empereur qui aime les ouvriers. Il autorise le droit de grève. Émile Ollivier fait voter la loi sur les coalitions. C'est la première fois que le droit de grève est reconnu en France. Louis-Napoléon Bonaparte reçoit les ouvriers méritants. Il les envoie à l'exposition universelle. Tolin est un ouvrier syndicaliste qui devient admirateur de l'empereur du peuple. C'est ça le bonapartisme. Donc ça veut dire que l'articulation est quand même plus complexe qu'il n'y paraît. Ou en tout cas, la vérité est plus difficile à trouver. Il y a une critique, évidemment, donc vous l'avez dit, hein, chez Tocqueville, du peuple qui devient qui devient fou, qui devient tyran, qui devient tyran. Et évidemment, la révolution, qui est toujours un risque, qui guette toujours, et qui est une inquiétude extrêmement forte, évidemment, puisque on a une vision aujourd'hui très positive de la révolution. En réalité. Il s'agit quand même souvent de moments très compliqués, de situations de guerre civile, et ça, Tocqueville s'en rend très bien compte. Alors, comment est-ce que Tocqueville... qu'est-ce que dit Tocqueville sur la manière dont on peut juguler, justement, ces poussées révolutionnaires? Alors, il y a les amortisseurs que j'évoquais tout à l'heure. Alors, parmi les amortisseurs, il y en a un fondamental, c'est que le pouvoir central laisse vivre les communes et s'occupe des communes. C'est-à-dire que Tocqueville, ayant sous les yeux l'exemple américain, estime que pour qu'une démocratie, pour qu'une grande démocratie très nombreuse, comme aux États-Unis, puisse vivre, il est important qu'il y ait ce qui se passe aux États-Unis, ce qu'il appelle le township, qui est une appellation un peu fausse d'ailleurs, mais peu importe, la commune, le township, où souvent, à l'époque, quand il y va, dans les années 1830, 31, 32, Souvent, c'est la démocratie directe, c'est-à-dire que dans la municipalité, les citoyens siègent directement et désignent les agents de la municipalité et les révoquent, etc. Bon, mais même s'il n'y a pas de démocratie directe, un premier amortisseur, selon Tocqueville, des risques révolutionnaires, c'est qu'il y ait une très large décentralisation, que les communes aient un pouvoir réel. Or, le défaut de la France, dit-il, c'est la centralisation administrative. Le grand défaut français depuis Louis XIV et même avant, c'est que le pouvoir d'État n'a pas confiance ni dans l'individu, ni dans la commune. C'est-à-dire que la décentralisation est constamment évoquée en France au XIXe siècle, elle n'est jamais accordée. Vous savez qu'il faudra attendre François Mitterrand et Defferre, hein, le ministre Defferre, 1982, pour qu'on commence une décentralisation. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point pour Tocqueville, c'est la religion. Tocqueville estime que le christianisme, et là encore il regarde les sectes américaines, secte n'a pas un sens péjoratif, hein. Secte c'est les confessions protestantes, plus le catholicisme aux États-Unis. Tocqueville regarde les différentes sectes américaines et il considère que la religion qui apprend à porter le regard au-delà du temps présent, la société présente, la religion justement permet de modérer les désirs. D'après lui, la démocratie ne peut pas se passer d'une religion. Là, c'est l'une de ses thèses. Voilà. C'est un autre amortisseur. Un troisième amortisseur que les démocraties libérales d'aujourd'hui détestent. Voyez la Pologne, voyez la Hongrie, voyez la Roumanie, voyez ceux contre qui le Parlement européen vient de déclencher la procédure de l'article 7 des traités européens. C'est les juges. Ce qui est capital aux États-Unis, c'est le pouvoir judiciaire, qui est très fort. D'ailleurs, on voit que quand un président a des velléités parfois dangereuses, on voit le pouvoir judiciaire américain qui agit, qui est très fort. Et Tocqueville admire la façon dont le judiciaire américain procède. C'est-à-dire que le judiciaire américain ne fait pas de politique, ouvertement. Le judiciaire dit « Ah, dans cette loi, à la ligne 3, après la quatrième virgule, il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la Constitution ». Moi, judiciaire, c'est tout. Je montre que, alors, un juge, n'importe où, n'importe quel échelon du système américain, tout petit juge de comté, dit, je suspends l'application de la loi. Car, au paragraphe 3, il y a deux virgules qui ne collent pas avec la Constitution. C'est un pouvoir immense qu'a le juge américain, dit Tocqueville. Et en réalité, dit Tocqueville, c'est une aristocratie. Les juges américains sont une aristocratie dans la démocratie. Et il faut une aristocratie dans la démocratie pour quoi faire ? Pour éviter que la loi, que les mesures prises par le pouvoir ne violent les droits individuels et les droits de la collectivité. Ça, c'est un troisième amortisseur. Un quatrième amortisseur, je vais m'arrêter, il y en a encore d'autres, mais je m'arrête, sur lequel il a énormément insisté, ce sont les associations. Il considère qu'à partir du moment où les citoyens se répartissent en associations, eh bien, il y a de l'oxygène, il y a de l'espace, il y a une sociabilité. On vit et on se parle. Et à partir de là, on évite peut-être, ou on réfrène peut-être, les violences. Il faut bien voir qu'il disait ça dans une France qui a refusé de faire du droit d'association un droit de l'homme. Le droit d'association n'existe pas dans la Déclaration des droits de l'homme. Le droit d'association n'existe pas dans la Constitution de 1791. Et le droit d'association va être comprimé tout au long du XIXe siècle. François Guizot, dans une loi de 1834, va même carrément le supprimer. D'ailleurs, il est impossible à réaliser et ça entre dans le code pénal. De ce point de vue, nous avons beaucoup changé. Il y a énormément d'associations en France et l'association est libre maintenant. Mais à l'époque, Tocqueville parlait dans un pays où l'association était considérée comme dangereuse. Pourquoi ? Parce que la Révolution française a eu très peur que l'Église, à travers les associations, rétablisse le pouvoir dont la Révolution l'avait privé. Voilà. Il y avait une très grande peur des associations religieuses. La Troisième République fait 32 fois un projet de loi sur les associations, 32 fois, et n'y arrive pas avant la loi de 1901. On peut aussi rapprocher ça de la volonté, à partir de la Révolution française, de supprimer tous les corps intermédiaires. Absolument. Cette idée très française que le citoyen est seul devant l'État et l'État est seul devant le citoyen et que c'est une relation, en fait, à deux. Absolument. Et qu'il ne devrait rien y avoir entre... Le chapelier... qui a fait 3 lois importantes là-dessus. Le Chapelier, qui est un individualiste, c'est-à-dire privilégiant l'individu au sens de Locke, le Chapelier dit, entre le citoyen et l'intérêt général, il n'y a rien. Or, l'intérêt général, c'est l'État qui le définit, pas le citoyen. Et en même temps, ce manque justement d'amortisseur, le terme est très bien choisi, fait que comme le peuple n'est pas associé de manière institutionnelle, quand il s'associe, il le fait de manière peut-être un peu plus irrationnelle et éruptive. Et ça peut donner un mouvement comme celui qu'on connaît ces derniers temps, les Gilets jaunes. Ah, je vous voyais venir. Comment est-ce que vous comprenez à la lumière de Tocqueville? Parce qu'effectivement, en lisant Tocqueville, c'est assez impressionnant. On a l'impression, enfin, on se dit en tout cas qu'on peut trouver beaucoup de réponses chez Tocqueville. Selon vous, quels sont les textes qui peuvent le plus nous éclairer sur ce qui nous arrive aujourd'hui? Ce sont les textes sur l'égalité, sur le juge américain et sur l'opinion publique. Je crois qu'il faudrait voir ce qu'il dit sur l'opinion publique. Georges Claes. Dans les temps d'égalité, les hommes n'ont aucune foi les uns dans les autres à cause de leur similitude. Mais cette même similitude leur donne une confiance presque illimitée dans le jugement du public. Car il ne leur paraît pas vraisemblable qu'ayant tous des lumières pareilles, la vérité ne se rencontre pas du côté du plus grand nombre. Aux États-Unis, la majorité se charge de fournir aux individus une foule d'opinions toutes faites et les soulage ainsi de l'obligation de s'en former qui leur soit propre. Nous avons retrouvé le mot confiance que nous avions vu avec John Locke. Mais là, vous voyez, ce n'est pas confiance dans les députés. Dans ce passage, c'est confiance dans le public. Le public est une entité nouvelle, c'est une entité qui naît avec le XVIIIe siècle, public, opinion publique. Le public, c'est ce corps insaisissable, mais pourtant si puissant, qui est entre la société civile et l'État. C'est ce qu'on pourrait appeler le peuple ? Non. Le public, c'est l'idée que la majorité, je vais employer le mot moral, mais ça va tromper, la majorité intellectuelle, nous allons dire. Le public, c'est la majorité intellectuelle qui a un avis sur quelque chose. Toute la question est de savoir si, quand j'apprends que cette majorité intellectuelle a un avis sur telle ou telle question, toute la question est de savoir si je me rallie et pourquoi je me rallie, ou si je ne me rallie pas, et si j'oserais dire que je ne me rallie pas. Voilà. Ça, pour Tocqueville, c'est extrêmement important. Or, nous sommes évidemment aujourd'hui dans une société où, sans arrêt, le public est supposé avoir une opinion, puisque les médias et les sondages d'opinion, dans la maison où je suis, c'est-à-dire le Cevipof et Sciences Po, n'est-ce pas ? Le baromètre de confiance du Cevipof depuis 10 ans, voilà. Donc, je suis, moi, Lucien Jaume, supposé savoir chaque instant ce que le public pense. Mais moi, qu'est-ce que je pense ? Ça dépend de ma responsabilité. Et tout est là. Tout est là parce que il est parfois peut-être difficile de savoir exactement ce que je sais. Et peut-être que je crois savoir ce que je sais parce que d'autres l'ont dit. Il y a de très beaux textes d'Alain, le philosophe, là-dessus, sur celui qui était pour la continuation de la guerre parce qu'il avait entendu dire que la majorité était pour la continuation de la guerre. Et donc, il ne voulait pas apparaître comme celui qui contredit la majorité dans ce grand élan patriotique. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que vous comprenez le problème, concrètement, aujourd'hui ? Ben, concrètement, si vous voulez, il est très difficile de savoir si la majorité réellement pense quelque chose, si c'est réellement la majorité. Il est très difficile de savoir si cette majorité est durable ou si elle peut se renverser d'un seul coup. Il est très difficile de savoir sur quels éléments je puis m'appuyer pour me faire une opinion. Se faire une opinion est indispensable à la démocratie, c'est ma responsabilité de citoyen, et je trouve que se faire une opinion est fort difficile. Et puisque vous avez évoqué les gilets jaunes, je trouve que là, nous avons affaire à un phénomène extrêmement complexe. Il y a des personnes, si vous voulez, qu'on entend, que les médias font parler. Mais pourquoi celle-là et pas d'autres ? Mais enfin bon, la question est toujours là. Il y a des personnes extrêmement respectables qui sont dans une très grande souffrance. Il y a des personnes extrêmement délirantes qu'on entend parfois sur les grandes chaînes de télévision. Il y a des personnes moyennes dont on voit qu'elles hésitent à choisir. Personnellement, le phénomène gilet jaune, moi, j'ai pas une réponse claire et unique, parce que je trouve que c'est un ensemble qu'on unifie trop, et il faudrait peut-être distinguer les situations, distinguer les discours. Bon, j'ai très peur que nous cédions. Nous, c'est qui ? Ben nous qui parlons en ce moment, par exemple. J'ai très peur que nous cédions à des jugements rapides, superficiels et finalement parfois manipulés. Alors Lucien Jaume, vous avez raison, ne cédons pas à la manipulation. Je vous remercie pour cette passionnante émission. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Le religieux et le politique dans la Révolution française, l'idée de régénération, a été publié aux éditions PUF en 2015. Merci beaucoup. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 50 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch and jean fils, et tout le reste je m'en fiche. Ils ont voté, puis après, j'ai la mémoire hémiplégique, les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul, les Français. Ils ont voté, et puis après, c'est un pays qui me débecte. Pas moyen de se faire anglais, ou suisse ou con, ou bien insecte, partout ils sont confédérés. Faut les voir à la télé urne, avec le général Frappard, et leur bulletin dans les burnes, et le mépris dans un placard. Ils ont voté, puis après, dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout, à fumer le scrutin de liste, jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise, avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé. Nous venons d'écouter « Ils ont voté » de Léo Ferret. Il est 10h53, il est temps de retrouver le journal de la philosophie présenté aujourd'hui par Colomba Grossi. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Colomba. Bonjour Anastasia, bonjour à tous. Imaginons un élève qui prépare de nos jours le bac de français. Arrivera un moment où il sera confronté à la section du programme qui s'intitule « La question de l'homme dans les genres de l'argumentation ». Et c'est dans ce cadre-là, selon toute vraisemblance, qu'il étudiera au choix les lettres persanes de Montesquieu, Candide et l'ingénu de Voltaire, ou peut-être le supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Retrouvons ce même élève l'année suivante, préparant maintenant l'épreuve de philosophie du bac, ou même encore après, en licence ou en master de philosophie. Il est très probable cette fois que tous ces auteurs aient disparu des programmes. On passera plutôt directement de Leibniz à Hegel, en enjambant les auteurs du 18e, au motif que passé la classe de première, le dialogue ou le conte philosophique ne sont plus rien de vraiment sérieux. Distinction des disciplines oblige, on abandonnera bien rapidement des textes que l'on avait de toute façon abordés pour la première fois comme des œuvres de littérature et non de philosophie. Ce partage des disciplines C'est le premier obstacle à la lecture des philosophes des Lumières évoqué par Bertrand Binoche dans son ouvrage « Écraser l'infâme, philosopher à l'âge des Lumières », paru en novembre dernier aux éditions La Fabrique. Le point de départ de cet essai est une énigme. Comment expliquer qu'en France, l'on brandisse avec tant de fierté l'héritage des Lumières, quand les auteurs de cette époque sont en fait si peu étudiés? On pourrait tenter de répondre en disant que chacun a pourtant une idée de ce que recouvre la philosophie de cette période. La promotion de la raison contre l'obscurantisme, la sortie de l'homme de son état de minorité, selon la phrase fameuse de Kant, ou encore l'exhortation à penser par soi-même, sans que l'on sache toujours comment s'y prendre. En creusant un peu, on s'aperçoit finalement que ce que l'on a en tête, c'est une pensée assez convenue, voire un ensemble de platitudes, prêchées à l'identique par tous les auteurs, le tout sans concept vraiment rigoureux. Et alors comment est-ce que Bertrand Binoche s'y prend pour tenter de renverser cette idée reçue ? Eh bien l'objet de ce livre, c'est de souligner la dimension fondamentalement polémique de la philosophie des Lumières, en identifiant non pas ses principes ou son esprit, mais d'abord sa cible. C'est de là qu'il faut partir pour y comprendre quelque chose. S'il y a une façon de philosopher propre au XVIIIe siècle, il ne s'agit pas d'une doctrine bien constituée, mais d'une conception de l'argumentation comme lutte. Être philosophe à cette époque, c'est donner dans la polémique, c'est-à-dire littéralement dans la guerre. Non pas pour imposer des idées de façon dogmatique, mais au contraire pour livrer bataille à l'ennemi commun numéro un, le préjugé. En un mot, le philosophe des Lumières, c'est celui qui traque et combat inlassablement le préjugé. À la question « Y a-t-il une philosophie des Lumières ?», on répondra donc « non », si on entend par là un ensemble de thèses établies. Mais ce qui existe bel et bien en revanche, c'est une activité philosophique particulière qui consiste à argumenter de façon à faire apparaître et à détruire nos préjugés et nos superstitions. D'où les contes et les fictions qui mettent en scène un personnage venu d'ailleurs, d'un autre pays, d'une autre planète ou d'un autre temps. Parce que ce personnage est étranger, ses préventions nous sautent aux yeux, en même temps que lui s'étonne des nôtres. On voit par là que cette fiction est une véritable critique, qui ne doit pas aboutir à la rectification d'une erreur, mais à une attitude permanente de soupçon pour empêcher l'esprit de recevoir aucun jugement sans examen. La lutte se joue ainsi dans un espace où, je cite, « la critique a le dernier mot, qui n'est précisément jamais le dernier, et où la raison, s'exerçant sans cesse dans le litige, exclut a priori la coagulation de nouveaux lieux communs. » Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette mise au point ? Eh bien, que ce que les philosophes des Lumières ont voulu propager, ce sont moins des déclarations pathétiques sur l'importance des droits de l'homme et sur les vertus de la tolérance, qu'une conception de la philosophie comme activité qui vise à détruire ce qui captive et immobilise l'esprit. Ce qui devrait suffire pour considérer Bayle, Voltaire et les autres comme d'authentiques philosophes et à les intégrer à des programmes où ils brillent encore par leur absence, et assez inexplicablement après la lecture de cet essai. Essai d'ailleurs dont je rappelle le titre, « Écraser l'infâme, philosopher à l'âge des Lumières », publié aux éditions La Fabrique. Merci beaucoup Colomba. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, la merveilleuse Marie Simon qui m'a aidée à préparer cette émission, ainsi que Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Isis Jourdain, Sharon Houri, Lila Bozès, Anaïs Isbert et Thomas Beau à la réalisation ainsi que Georges Kless à la lecture. Aujourd'hui, à la prise de son, c'était Delphine Baudet. On se retrouve demain pour la suite de notre série La démocratie en question, non pas demain mais après-demain, pardon, en compagnie de l'historien Olivier Dard avec qui nous parlerons de conservatisme et de réaction. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.